I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. I think these days, especially in the States, you have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar. Awake. Jim Morrison. Indoors, outdoors. All hail the American night. Feuilleton en 5 épisodes de Christine Spionti. Thank you, O Lord, for the white blind light. The city rises from the sea. Climat 1. Océan à Los Angeles. I had a splitting headache. From which the future is made. Merci, ô Dieu, pour l'éblouissante lumière blanche. Une ville émerge de l'océan. Ma tête semblait se détruire. J'y sentais la douleur de l'avenir. Track 1. Le port vu du toit du garage. Los Angeles, Venice. Été 1965. Sur le toit terrasse d'un garage, un homme jeune, t-shirt ocre et treillis dans le style des étudiants de l'Université de Californie, regarde le jour se lever à l'est derrière les collines. Autour de lui, une station balnéaire à l'abandon. Des cabanons à moitié effondrés, montants de bois noircis par le sel, où s'entassent des Mexicains, des étudiants, des Japonais et des poètes beats, au bord de canaux tout irisés de carburant. Les dépôts pétroliers du port polluent tout. Odeur de mazout qui vient dans le vent de terre. Il tourne ses regards vers le sud, vers le port de Los Angeles. Melbourne, San Francisco, Washington. Depuis ma naissance, je n'ai habité que des ports. Je ne saurais vivre loin des océans, loin de Los Angeles, où sont les anges et les marins. Quelqu'un appelle ? Dennis ? Je suis sur le toit. Jim ? C'est Jim. Dennis, il m'héberge. Continue d'aller à l'université, lui. Il suit des yeux une nuée de petits oiseaux de mer qui vient s'abattre sur Venice à ses pieds et leur reflet dans le canal en bas, tendu comme une feuille d'argent. À droite, le cabanon jaune vif qui abrite une famille mexicaine. Le ciment de la cour, le tronc penché d'un acacia, la tonnelle de poutre blanche où s'enroule une fine liane grimpante brûlée par le soleil d'été. Le matin, les alizés soufflent de la mer apportant jusqu'au toit du garage le bruit des vagues et du quartier qui s'éveille. Quelqu'un est en colère en espagnol. Il cherche quelque chose des yeux sur le sol du toit terrasse. Un réchaud à butane, une couverture chauffante qui ne chauffe plus, des livres. De la sociologie. La foule solitaire de David Risman. Masse et puissance d'Elias Canetti. Rimbaud. Les illuminations dans cette vieille édition New Directions que je traînais partout. Rimbaud avait sollicité le consul des États-Unis, lui racontant des mensonges selon lesquels il aurait été professeur de sciences et de langues et déserteur du 47e régiment de l'armée française. Et qu'il aimerait connaître à quelles conditions il pourrait conclure un engagement immédiat avec la marine américaine. Rimbaud dans la Navy. Dennis veut faire un film sur Rimbaud. Moi, je ferais bien un film sur Nietzsche. La scène où il prend pitié du cheval. Sur la bande-son, il n'y aurait que des applaudissements. Le philosophe connaît ce qui est nécessaire, et le poète le crée. Empilé dans un angle de la terrasse sous le hamac, Fitzgerald, Mellor, Céline, Plutarque, les pièces de Tennessee Williams, les poèmes de Whitman, Kerouac. Cette nuit, j'ai mis de l'ordre dans mes poèmes, et les carnets de citations, j'ai décidé d'en faire un grand feu. Je me suis saoulé en regardant les flammes dans la nuit, les vieilles idées des autres qui brûlaient. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu être libre. Il écoute venant d'une radio ce vieux rock noir de Bo Diddley, Cracking Up. Celui-là même qui l'a empêché d'en finir quand il était au lycée, à ce qu'il dit. D'où une certaine idée du rock. Oh, Track 2. La plage. Et cette année-là, une intense énergie s'était emparée de nous. And that year, we had an intense visitation of energy. When Radio Dark Night existed and assumed control, and we rocked in its web, consumed by static and stroked with fear, we were drawn down long from a deep sleep and awakened at dayfall by worried gardeners and made to be led through dew-wet jungle to the swift summits overlooking the sea. Et cette année-là, une intense énergie s'était emparée de nous. Quand la radio Nuit Noire émettait et contrôlait tout. Quand nous nous déhanchions dans sa toile d'araignée, lentement paralysés et frappés de peur, nous étions entraînés dans un profond sommeil et réveillés à la fin du jour par des jardiniers inquiets, prêts à être guidés à travers la jungle humide, voir les sommets suisses, dépassant la mer. Jim Morrison, à vélo, longe les canaux. Il est doublé par une Ford Tonus toute plate, au phare rectangulaire, le capot surligné de chrome, California calligraphié sur la plaque d'immatriculation. Puis il tourne son guidon en direction de la plage. Le long des palmiers à tronc démesurément haut, les bougainvilliers sont d'un rouge profond. Un muret blanc mal peint longe la plage. Là, je suis tombé sur Ray Manzarek, assis sur le muret. C'était un jour spécial. Morrison, tout le monde te croyait à New York. Ray Manzarek, né à Chicago, fils d'ouvrier polonais. Jim Morrison, fils d'un officier de la Navy, un grand-père presbytérien et conservateur, un autre grand-père, avocat de militants syndicaux et candidat socialiste dans le Wisconsin. On s'était rencontrés à Melnitz Hall, au département cinéma de l'Université de Californie. Jim disait Rimbaud depuis la corniche du bâtiment, version Antoine Douanel, côte ouest. On avait parlé, on avait fait de la musique, et voilà qu'on se retrouvait à Venice Beach, un jour de juillet 1965. À l'époque, Ray ne faisait rien d'autre que filmer Dorothy, en s'inspirant de Hiroshima, mon amour. Jim, lui, passait son temps à écrire. Des poèmes. Ça devait s'appeler « Les seigneurs, notes sur la vision ». Les seigneurs en référence à Nietzsche. Ce jour-là, assis sur le muret face à la plage, on avait une fille, une vraie princesse nubienne, sein parfait, peau café au lait, une vraie perle noire. C'est du rock, cette fille, a dit Jim. Ray, j'en ai plein la tête du rock. Il saurait me dire, lui, pour ma voix. J'ai pris un peu de sable dans ma main et en le laissant couler, j'ai chanté à Ray Moonlight Drive. Ça dit, allons nager jusqu'à la lune. Ce soir, je vais couler dans les profondeurs. Je n'ai vraiment pas une bonne voix, non ? Dylan non plus. On s'est arrêté de parler. Les vagues de l'océan sont d'un ton de bleu plus profond sur le rivage et d'un autre plus clair après la barrière d'écume vers l'horizon où planent des effets de brume jaune lumineux. Les traces de pattes du goéland à gorge blanche, plumage gris et bec orange dans le sable mouillé. Au milieu de la plage, un poste de surveillance sur pilotis, drapeau américain qui flotte au vent. J'ai demandé à Ray s'il se souvenait du livre de Huxley, The Doors of Perception. Huxley dit à peu près qu'au lieu de rester à voir le monde de derrière les fissures de nos cavernes, la perception est infinie si on ouvre grand les portes. C'est ça. The Doors. On est allé se baigner. L'océan, du vert au turquoise, vague chaude, écume. L'azur, liquide bleu électrique, impeccable. Ray Manzarek a filmé Jim ce jour-là. Pieds nus, short et torse nu. Tu tournes en mini-vélo dans le village de bungalow en riant. Le plan suivant, tu es assis sur le plancher d'un cabanon. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais tourné vers la caméra, tu éclates de rire en jetant la tête en arrière. Le rire de Dean Moriarty. Le personnage de Kerouac dans Sur la route. avec Jim. On ne pouvait pas savoir si on allait organiser un meurtre ou fonder une religion. Comme dit Huxley, entre les cactus et les garages, quelque chose rôdait. Track 3. Scène de nuit sur la grève. Le midi, j'allais manger afro-américain chez Olivia, au coin de Maine et Ocean Park. Après, je traînais à Long Beach, parfois jusqu'au dock du port. On prenait légalement du LSD avec Félix Venable, un étudiant. Un vrai tordu, dit de lui Ray Manzarek. Sans répondre, Jim Morrison regarde passer une Cadillac. Il lui arrive de fumer du Panama Red avec des filles à Sunset Strip, de voir des éclairs blancs sous acide. Il va aussi écouter Allen Ginsberg accompagné d'un joueur de bongo au Gaslight Club. Ne va pas au concert de rock, sauf pour voir Brian Jones, car il fait taire les présentateurs télé quand il veut chanter du blues. Le soir, on joue avec Ray, Robbie et John au Fog. Le London Fog, une boîte à la façade bleue et rouge, à côté du Galaxy, sur le Sunset Strip. Sur la photo, une Ford marron est garée devant. Le néon dans la nuit. À l'entrée, une pancarte, lettres blanches sur fond rouge. The Doors. Après, je me saoule au Lucky You. Puis je reviens vers la plage, avec une fille. On marche sur la promenade parmi les gens le long de la mer. L'été, je passe mes journées comme ça. Quand j'en ai assez du toit du garage de chez Dennis, je trouve un canapé. Merci à toutes les filles qui m'ont donné à manger. 23h, la promenade du front de mer, Oceanfront Walk. Quelques hôtels à la peinture écaillée, des grappes de pelles et de seaux au fronton des boutiques sous les palmiers. Sous un réverbère, un banc où sont assis de vieux Mexicains. Un enfant en poncho debout en équilibre sur la coudoir. Des filles à la terrasse du Venice Bistro. Il y en a une qui dit « À moi, mon gars me manque ». Jim traverse la plage dans la nuit. Il est au bord des vagues maintenant. Jim ! Il se retourne. Il frotte le dessus de son pied derrière sa cheville. Je la vois venir. Elle s'appelle Pamela. Je suis sûr que Pamela et Jim se sont rencontrés en avril. En avril 66. Au Fog. Leurs esprits se sont entremêlés. Elle parlait d'astrologie, de LSD et d'immobilier. Pamela Courson, étudiante aux Beaux-Arts. Cheveux roux, les yeux verts, peau de lait. Jim. Il s'appelle Jim Morrison. Il dit, Pamela, fais voir tes yeux pour voir ce que j'ai pris. Pamela dit, toi, tes yeux sont toujours sombres. Il m'appelle sa compagne cosmique. Pas idée de ce que c'est, mais je trouve ça bien. Le soir, quand je vais le chercher au Fog sur le Strip après le concert, il veut toujours marcher. 20 minutes. Et cette route qui monte. Il chante du blues en marchant. Moi, je l'appelle Lord Byron Rock. C'est un poète. On rentre chez nous à Laurel Canyon. On est un. Cette fille, tout ce qui est sensation, elle en veut et intense avec ça. Et des frayeurs violentes. Elle lit mes textes. Elle dit qu'elle sera la gardienne de ma poésie. Je la crois. Sun gone down. Way out on the sea. Here she comes, little girl, gonna set me free. All right, come on, now, one more time. Ouais, j'aime quand c'est bien lent. J'aime quand c'est méchant. J'aime quand je me prépare. J'adore t'entendre te dessaper. Femme nue en cavale. Je m'en fous que tu ronfles fort. Le soleil se couche, très loin sur la mer. La voilà, petite fille qui va me libérer. Allez. Allez, viens maintenant, on remet ça. Je me dis, prie Pamela, pour oublier la colline grise dehors et le type sur l'avenue qui lance des bouteilles dans le noir. Jim est au-dessus de toi. Son visage, un don du ciel. Les lèvres entrouvertes, les yeux fermés, tour à tour net et flou. Le bonheur, ce serait pas croyable. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Yeah. Track 4. Les vents de Santa Ana. C'est l'automne. Ce soir, les vents de Santa Ana soufflent sur Laurel Canyon. Longtemps, les vents de Santa Ana empêchèrent les galions espagnols d'accoster sur les côtes de Californie, les repoussant vers le large. En 1579, un seul s'y risqua, un corsaire anglais. Quand il souffle sur Los Angeles, poussant à travers le Pacifique les nuages immenses et roses qui emportent la pluie, c'est la canicule. L'incendie prend partout dans les canyons. À 130 à l'heure, les vents de Santa Ana propagent le feu sur les monts San Gabriel. Des feux ardents, en quête d'un baiser d'adieu, sec et calme. On dit que quand les vents de Santa Ana soufflent, il y a des crimes, des accidents de voiture, des noyades, des overdoses. Pamela, fais attention à toi. Le vent du désert brûle même les humains, de l'intérieur. Un baiser d'adieu sec et calme. Ce qu'il veut, Jim, c'est être poète. Il dit que tous les textes qu'il a écrits sur le toit du garage, il les publiera à compte d'auteur. Le premier recueil aura pour titre « Les seigneurs, notes sur la vision ». La couverture sera en parchemin crème, format 21-27, relié en bleu roi et titre doré. Le second s'appellera « Les nouvelles créatures », 42 pages, papier jaune pâle, relié en carton marron, signé James Douglas Morrison. Jim écrit tout le temps. Il préfère être seul. I was doing time in the universal mind. I was Je roulais à travers les collines de Los Angeles en feu. Je pensais aux cheveux roux de Pamela. J'ai mis un ruban orange dans mes cheveux. Je l'attends à Laurel Canyon. Je roulais sur Sunset Boulevard et les vents de Santa Ana soufflaient sur les garages de motos, les boutiques d'antiquités, les palmiers, la plage, sur le toit du 9000 building où j'avais marché un jour. Ça soufflait boulevard Santa Monica, sur les studios Radio Recorders où Elvis a enregistré Love Me Tender. Ça soufflait sur les boîtes de striptease et les vieux clubs où avait chanté Dean Martin, sur le strip. Jim, où tu es ? Mon bras me fait mal. Cigarette. Pas fait grand-chose aujourd'hui. Jim préfère aller à l'épicerie du coin. Il y en a sur le comptoir. De l'alcool, je veux dire. Moi, je n'ai plus ma tête. C'est ce vent infernal qui souffle du désert aussi. Dylan Thomas dit que la poésie est utile au moins pour une raison. C'est la chronique de notre lutte personnelle avec l'obscurité, notre combat pour la lumière. Jim, après l'amour, la lumière. lumière. Je me garais devant le phone booth, un bar avec son néon tout rouge et son carrelage blanc encore chaud du soleil de l'après-midi. Le meilleur endroit qui soit. Là, je me saoulais avec Tom ou autre. Je dormais parfois au motel d'à côté, l'Alta Cienega, en bord de parking, l'hôtel vert, chambre 32. Tandis qu'hurlaient les sirènes de pompiers en route vers les feux des collines, au bar, j'étais aussi seul que dans le désert. Alors je roulais vers l'océan. California State, Route 1, axe nord-sud, Pacific Coast Highway, La 1, la première route, creusée à flanc de falaise, bordée de bruyères et de bois de pin, fougères sur les bas-côtés. Une ombre épaisse s'étend sur l'asphalte en direction de Picture. Au loin, une vaste étendue de côtes fracturées qui s'écroule dans l'océan. Chaleur étouffante, je rêvais d'un baiser sous l'orage. J'avais peur de l'océan, de l'ombre de moi-même. En contrebas, le long du Pacifique, des murailles de 300 mètres, des ravins à pic, des plages de sable blanc, et l'océan avec ses vagues qui hurlent en s'engouffrant dans les anfractuosités noires de la roche, soulevées par les vents de Santa Ana. La pancarte où sont dessinés trois papillons en vol a été arrachée. Caution, butterfly zone. Des papillons monarques. Aux ailes orangées vives, vénéneuses. Ils migrent du Canada le long des côtes de Californie pour aller mourir dans le golfe du Mexique. Je vois dans les bourrasques du vent, au creux des falaises à l'abri, trembler des milliers de papillons. Je les entends crier dans la nuit. Jim Morrison, Indoors, Outdoors, de Christine Spionti. Premier épisode. Avec Sarah Jane Sauvegrain et Laurent Lederer, les narrateurs. Olivier Martineau, Jim Morrison. Clotilde Morgiève, Pamela Courson. Slimane Yevsa, Raymond Zarek. Et la voix d'Elodie Hubert. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage Bastien Varigaud et Philippe Bredin. Assistante à la réalisation Louise Loubrieux. Réalisation Laure Egoroff. Remerciements à Lili Stein. Tous les textes de Jim Morrison sont parus chez Christian Bourgois, éditeur, dans des traductions de Yves Buin, Richel Dassin, Hervé Muller, Sabine Prudent, Werner Rehmann, Patricia Deveau. The